De néfastes événements nous menèrent jusqu'à Thalas et cavernes de chimères. Nous parlâmes d'aliénés et fûmes aliénés. Nous plaignîmes et fûmes méprisés. Ma constance traça leur impureté et elles énergumènes plantèrent. Cédait à ton côté comme une bobine de film mal enroulée, comme les photographies d'un voyage tronqué, logé dans des motels de carton. L'eau masquait notre affection derrière les eaux. Paraît